le mix de Ludo.

to girls. I ain't afraid of no girls. Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. We are walking like in the dope. This time we got it right. We're living like in the dope. Gonna dream tonight. We're dancing like in the dope. With lights and music on, our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. cadeau. Si je baise, affirmatif. Quoi, des noms? Des salopes, affirmatif. Des actrices, des gamines, affirmatif. De quel âge? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si je bande, affirmatif. Pour qui ça? Pour des putes, affirmatif. Et qui d'autre? Brune, blonde, affirmatif. Et rouquine. Et quoi d'autre? Si j'assume, affirmatif. Quoi? Tout seul? La technique? Affirmatif. Du doigté? Self-control? Affirmatif. Comment ça? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté? Peu importe, affirmatif. Ce que je peux faire? Obsédé, affirmatif. Sexuel. Thank you.

Le mix de Ludo.

Bye. We'll be right back. GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM. They say life is a battlefield, I say bring it on. If you wanna know how I feel, give it till it's gone. I'm just saying that what don't kill only makes you strong. If you don't recognize what is real, then forever. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Bobby.